Oslo Deauville présente. Une étoile dans la gorge. Putain, on leur a tiré dans la tronche toute la journée, non-stop. On s'allongeait, le corps bien posé sur le sol fécond et sa verdure magnifique, mouillant de froid nos treillis tout solides. Comme au cours, fusil sur l'épaule, l'œil dans la lunette, la croix sur le petit bonhomme humain au loin. En face, le frère animal, et bam ! Une balle dans la tête, au mieux. Enfin, c'était le but, dans la tête. Le petit bout de métal assassin lancé comme un crachat démoniaque. Jusqu'à la mère qui perd son fils. La veuve qui n'aura plus sa bite à la maison et les longs baisers d'amour ultimes et essentiels. Les orphelins. Chaque balle lancée crée, là Et au loin, un putain de drame, des larmes absolues. Et nous, on était là, allongés comme pour une sieste noire. Et bam ! La balle partait et mettait 2 secondes pour atteindre la cible. Moins de 2 secondes, souvent. Tout le temps, en fait. Le type dans le viseur ne se baissait pas. Juste son cerveau explosé, ou son bras, ou autre. Et nous, on regardait dans la lunette. Merde, la jambe. Un blessé, c'est bâclé. Nous, hélas, là, on faisait du cadavre, alors il fallait viser et toucher la tête. C'était pas seulement le job. C'était le but qui nous ferait gagner la guerre. Bon, il faut dire que les types en face étaient des pauvres connards nés et éduqués. Et que nous, non. Mais surtout que ces connards nés par hasard en face étaient gouvernés par des fils de pute qui avaient déclaré la guerre contre nous, qui avaient commencé. Nous, globalement, on cherchait pas la merde. Ni nous, ni nos putains de fils de pute de gouvernants, politiciens ou autres bâtards se déclarant supérieurs. Évidemment, à un moment donné, à force de tirer et de tirer, on se sentait atrocement mal. En effet, des types qui foutent des bouts de métal explosant les crânes, ça vexe Dieu ou autre. D'autant plus que pour tout avouer, nous, enfin, nous sept, c'était ça. Une balle, un mort. On était des putains de bourviseurs. Et par conséquent, tueurs. Au début, on était 123. J'aimais bien le chiffre. 1, 2, 3, facile à retenir. Et là, un putain de missile Wanker 7 nous fit passer de 123 à 47, soit 73 morts. Franchement, ça a foutu un putain de froid, genre grosse mauvaise déprime, et comme 2 ou 3 types comme moi avons vu, 1, que le chef de section, un capitaine à la con, était mort, paix à son âme, et 2, que tous les survivants se chiaient dessus en devenant illico des victimes, bah on a décidé à 7 de les laisser tomber, et de nous venger. On a commencé par quitter le groupe. Là, un caporal je sais pas quoi nous a dit que non. Qui dirigeait à présent, et nous on a dit que si, on se cassait, et franchement, c'était chiant parce qu'on voyait le type faire son rapport. 73 morts et 7 déserteurs et 20 blessés. En entendant déserteurs, on l'a assommé. Et on a couru comme des dingos pendant une quinzaine de minutes jusqu'aux bagnoles. Des grosses 4x4. Moi j'avais jamais conduit, et j'étais putain de joie, chacun sa bagnole. J'allais enfin pouvoir me faire un grand kiff dans ce semi-désert, et puis... Tandis que je commençais à rouler à fond avec les autres qui étaient tout joie, si tout libres, comme des putains de kids avec des droits d'adultes dans un monde sous LSD, on a vu, mais de nos propres yeux, au-dessus de nos putains de têtes, un autre Wanker 7 et BAM ! Le voilà qui retombe au même endroit que le précédent. Évidemment, le premier réflexe a été de freiner, et un d'entre nous qui avait sympathisé avec un de ceux qui étaient restés nous a dit qu'il allait voir. Et nous, en le voyant rebrousser chemin à fond, on scrutait le ciel. Au cas où l'on voit un autre de ces putains de missiles. Une trentaine de minutes plus tard, on le voyait revenir avec tout ce qu'il restait des survivants. C'est-à-dire un type, un pauvre type tout putain de défoncé, brisé, tranché de partout. On a roulé pendant 2 heures, droit devant. On savait où on allait. Et au soir, on a pris une route qui montait. Une fois au sommet, on a posé notre blessé contre un arbre. Pour qu'il voie la vallée et l'horizon. Et puis, il est mort. On n'était plus des déserteurs. On était la compagnie tout entière. De là, on pouvait faire marche arrière, rentrer au pays et avoir une médaille, rien que pour avoir survécu. Mais de la merde, on allait défoncer la gueule des fils de pute qui nous tiraient dessus. En tout cas, moi, je savais que je ne partirais pas avant d'avoir créé avec mes propres armes un putain de cadavre. Je devais... Désingué, flingué, vous savez, comme quand on est pauvre, qu'on n'a pas de thunes et que pourtant on sent qu'on va lâcher le gros billet pour acheter des chaussures à la con super chères et super pas dans le budget et qu'on est dans le centre commercial et qu'on a l'intuition qui hurle « Non, ne fais pas ça !» et que quand même on cherche le putain de magasin qui vend ses putains de chaussures vernis rose fluo avec des pompons pour crooner, ben la paille, j'étais borné. Têtu, possédé, motivé, les connards de militaires diraient déterminés. Voilà, furax, mi-cinglé, mi-dangereux. Et croyez-moi, en face, ils avaient du mouron à se faire. J'allais flinguer, et flinguer, et flinguer. On Great Avenue. Kindman. Watch at me. Large eyes. Pendant qu'on enterrait notre pauvre gars, on voyait toute la vallée. Et franchement, là, la nuit, ben c'était la merde totale. La merde de chez merde. Il y avait des bruits de guerre et des lumières d'armes partout. C'est venu comme ça au fur et à mesure. Et au bout d'une heure, toute la vallée était un immense champ de bataille. Il faudrait être cinglé pour faire une métaphore du genre que comme des lampions qui scintillaient, décorant le grand arbre de Noël du meurtre. De la merde, oui. Pas de métaphore. En bas, tout le monde flinguait tout le monde. Franchement, compte tenu du nombre de détonations diverses, c'est presque certain que les types se désinguaient même entre eux. qu'un soldat troufion tuait par erreur un colonel casse-couille, lui-même flinguant des civils, ça n'a pas cessé. Rien. Toute la nuit. Nous, évidemment, on n'était pas pressés de descendre. On comprenait rien à cette merde, on n'aurait même pas su par où descendre et où aller de toute façon. De nous sept, il y en a un pourtant, tout nerveux et motivé, le plus jeune comme par hasard, qui voulait y aller. Ce soir-là, on a su que cet abruti devait nous avoir comme protecteur toute la guerre tant il était con. Et lui, ce même soir, je pense qu'il nous a pris pour des lâches. Parfois, mais quand même souvent, il y avait des missiles et autres trucs bien chargés qui explosaient. C'était impressionnant. Et nous tous, même le jeune Asagi, on commentait. Pas pour faire la parlotte, hein, mais pour comprendre, pour échanger des informations et des connaissances. Un truc lu par-ci par-là ou un cours militaire appris par cœur. Parmi nous sept, il y en avait un, musclé comme tout. Il n'a jamais voulu dire son nom. Et celui-là, ça se voyait, était passionné par la guerre avant la guerre. Alors lui, il parlait le plus. Il nous expliquait le truc. Pourquoi les missiles tombaient là, à tel moment. Pourquoi la vallée était à feu et à sang. Pourquoi la rivière était capitale la nuit et inutile le jour. Pourquoi, à cause de la double colline en face, il était impossible de passer par la droite. Et là, il nous a bien bluffé. C'est quand, bien à Volob, il nous a dit « On bouge maintenant. Ça va canarder ici. » Ce qu'on a fait, et franchement, quand 40 minutes plus tard, j'ai vu notre ancienne position sur le sommet se faire bombarder d'une bonne trentaine de missiles, je me suis dit que oui, son « on doit partir car chaque camp va pilonner les extrémités des zones de combat » était putain de valable. Il nous avait sauvé la vie. Ce jour-là, j'admettais qu'un type militariste musclé de province pouvait être utile aux beaux gosses intello artistes de la capitale que j'étais. Quand on a vu les boules de feu que faisaient les explosions, on l'a regardé avec gentillesse pour le remercier. Mais lui, il était déjà ailleurs, réfléchissant au terrain. Et puis un d'entre nous a dit, parce qu'on était encore vivants, « Les fils de pute, ils ont bombardé la tombe !» Et ça nous a rendus tristes. Une fois en bas, avec la lumière du matin, tout était plus compréhensible. C'est simple, il y avait des cadavres partout. Au début, ça choquait, très vite c'était devenu le décor. Je sais pas pourquoi, il y avait des cadavres brûlés et tout jaunes. Très, très jaunes. Franchement, j'avais pas envie de demander à Monsieur Muscle quelle arme faisait ça. Certain que ça me porterait malheur. Et peut-être pour ne pas avoir trop peur, je me disais inconsciemment que non. Je ne voulais pas mourir en étant atteint par la mort jaune fluo. De la merde. Je voulais un truc classique, au pire, genre balle, trou et sang rouge. Les types d'en bas qui avaient survécu avaient, mais tous, des tronches de fatigués. Presque tous blessés ou à moitié dingues. Et nous, on avait honte en les voyant, nous qui avions passé la nuit tout tranquille sur les sommets. Sauf le jeune. Lui, il nous regardait tout remerciant. Oreille basse comme un chien ayant chié sur la table du salon et attendant sa remontrance. Ou au pire, je sais pas, un coup de journal ou un autre truc à la con. Au fur et à mesure qu'on avançait, on prenait des types avec nous. Et puis au bout d'un moment, on a croisé un gradé. Là, il nous a pris quatre voitures, il est parti avec. On sait pas trop vers où et pourquoi. Nous, on filait tout droit, on était nos propres maîtres. Et quand on nous demandait qui on était, on répondait « On est la compagnie 1984 et putain de merde, ça faisait du bien d'être nos propres chefs. » Alors on faisait tout pour ne pas être attaché à une autre compagnie. C'était comme des vacances, du tourisme. À un moment donné, il y a une bonne centaine d'avions qui sont apparus. Le truc chouette, c'est qu'ils venaient de notre camp, mais franchement, quand on a entendu sans les voir le vombrissement des réacteurs, on a flippé grave. Là, le muscle man a sauté de joie et il criait « 200 000 ! Au moins 200 000 !» Et une fois calmé, il nous expliquait que, compte tenu des combats d'hier soir, le camp adverse était solide. D'au moins 200 000 soldats, mais que là, les avions arrivaient les premiers, allaient à peu près tous les défoncer. Et ça a duré à peu près 80 minutes. Mais on voyait les avions passer, tirer, c'est dingue! Des types en face crevés par centaines chaque minute! Et nous, cette putain d'atmosphère nous rassurait. On se sentait protégés et en plus victorieux. Whoa! drugs, unraveling scribes, take a venomous stick, that's unsettling, but consequence awaits me around the corner, reminiscing of my twisting fate, all down to the factors of hard life, travel on with the sense of a turbulent adventure, so as I wait for the opportune time to create soul energy, that will then enable me to realize, analyze all aspects of man-made decision, the vision, the many ways, wrong turn, right, right turn, left ain't no way back, straight ahead the long track, counteract, react, how you pace, embrace, expression when it's written on the face, you're babbling on, flip, automatic override, so when the pride gets swallowed, check the events that follow, interconnect. cylindricals. See my stuff at cylindricals. Cue the bump pleasures. Celebrations null series. Camber mammobile. The shit not even staying wished as the official judgments. Clappity, you ever have it be the bell shred meal? Snowflake bozo bane. Delease diluter with all come fronance. You will possess what ash leads to spice. How's that slovem, Jim? Dog dung vernaculars. It's lidar letter. Sled known strength. Spindle accretion. G jattered and soapy ponstatives with one last scrim to advise. Gio brown spite. This no fearful anspitance. Now I stood at the infernus. Moon fun locks he dives. Coder suspers. The G burned. Do not beach my micro curtains. Let us not bridge con gleek seal. Sob cocks who conjure shards. None is to root. The third way hunt no gore. Controls affect. Mel out blow borga. Denounced. A falter of succumbency equals continual with the pontiff of Creel. Admirable hero glees. Where's Numimos? Je cherche une façon positive de rester avec les humains, une manière de rester avec. Je trouve pas. J'ai arrêté d'avoir des copines, j'ai remplacé par des putes, ça coûte moins cher. Partout n'observe qu'une chose, une seule. Le désir anxieux, terrible et invincible de se conformer. Je pourrais accepter le conformisme dans une société où je me sentirais bien. Or, ce n'est pas le cas. Personne ne veut rien savoir ni entendre. Tout le monde veut une existence tranquille. Chaque prisonnier est un des barreaux de la prison. Et une prison, c'est fait pour s'évader. Toutes les années de discours inutiles et aberrants par lesquels on a dû passer pendant des années. Toutes qui m'ont gâché tant de choses jusqu'ici. Non, impossible de dire tout ce que on nous fait croire comme des chiens. On nous entraîne pour nous faire marcher sur pattes arrière et nous faire venir quand on nous dit au pied. La société est un trou, un tout. La société a ses gardes du corps. Society is a whole. It makes me lie to my friends. Tout ça autour est un mensonge. Blague, canular, conspiration, fiction, fable, construction, convention, imposture, illusion, baratin. La société me fait mentir à mes amis. Ceux que je croyais à tort être mes amis, en effet, ils me mentent. Et elle me coupe de mes proches. Elle me rend étranger à tous. Il faudra que nous soyons à nouveau un peuple. Le peuple, c'est ce qui manque le plus, mais chacun se fait barreau de la prison, dont faut s'évader. À quoi sert un terrain de golf? À jouer au golf. À cours de tennis? À jouer au tennis. Un camp de prisonniers, ça sert à s'évader. Alors adressez-vous à l'intendance. Nous, on ne paie plus, on ne connaît plus, on ne salue plus, on méprise. Un seul autre vous manque et tout est dépeuplé. Je voudrais un visa pour ton visage, un visa intérieur. Je voudrais un visa pour ton cul, pour ta bouche, pour ta chatte. Je voudrais un visa pour toi, un passeport pour ton corps. Un passeport, je ne suis que présent. Passé et futur sont perceptions déformées du présent. Inspiration, expiration, inspiration. Le futur, c'est donc le présent. Et le présent appartient à ceux qui ne se couchent pas. Réclame le droit de vivre dans une parenthèse. Une machine sans tête. Tête dans ma tête. Analyse. Une photo, c'est un film très très court. Un film, c'est une très très longue photo. No trust nowhere, I forget the meaning. I just don't care, boire de la bière ou avoir une silhouette fine. Certains préfèrent pêcher l'ivresse que pêcher à la ligne. Tout est si écrypté comme message secret. Nous sommes animaux costumés dans un zoo. L'expérience intérieure est l'autorité. Et toute autorité s'expie. Inspiration, expiation, inspiration, expiation. Bim, bim, la tête contre les morts. Bim, bim, contre les morts. Entrez chien méchant, deadlocks. Nos bordis, neutrones, chevaux tronzophiles en ULM aux ailes de ptérodactyles. Fracture tes yeux, torticoli, toti quanti. Servons et buvons champagne aux soupes populaires. Tu marches sur le fil, sur ta langue. La vraie faute de la mort. Le corps chic, les orgasmes. Un orgasme à la place de l'organisme. S'en fout la mort. Chic ta mort, et claque ta vie. L'accès accru à la multiplicité multiplie les reconfigurations culturelles. Chout, chout, le petit train. Boulot vidéo, dodo. Chout, chout, chit, chout, chout. Et à l'aliénation touchée, nous coquillages rejetés par l'océan de la nuit. Sur le comptoir de ce rade crade, le zorba au néon rouge. Les cheveux comme des flammes sur cerveau. Remboursez-nous d'être nés, bordel. Quelqu'un qui n'existe pas gerbe encore dans mon vase crânien l'écho des morts. Jusqu'où ils sont allés et jusqu'où ils ne sont pas allés. Défigurer mon cerveau, est-ce ton objectif? Je suis né, je vais mourir et entre les deux quoi? Bienvenue dans la civilisation de la solitude. Vivons à tout moment dans l'instant de notre mort. Fais confiance à l'inconnu et joue jusqu'au bout, peu importe les conséquences. Ma bouche est dans ma main, j'ai faim. Du sparadrap sur les yeux dans un silence d'oreille. La reproduction? Sampling du corps. Le litchi, plus son noyau est rabougri et pourri, plus sa chair est abondante et délicieuse. Ainsi l'archange de la subvention, l'ange noir du raisonnement administratif, le virtuose de la démonstration procédurale, part en vrille dans un festival de sigles, de contacts et de numéros de téléphone, ses doigts canaux surchargés de prothèses stylographiques, sa patte trace mot d'une encre rouge goûtant dessous les ongles. C'est la fête piège, fontaine de sperme, don d'orgasme, cerveau diversité, zoom, zoo, 2000 chimères, spasmodrome. Ouvrons les yeux à ce monde sur la banquette arrière d'un taxi, parmi les klaxons, des embouteillages, né pour mourir, né pour la mort, condamné à mourir, condamné à mort. On peut se demander pourquoi tout ce déploiement de matière, lancé au hasard, tel des lanières, des tentacules, ce développement, ce perfectionnement et ce raffinement d'organes et de pensées. La pensée est un accident. Pour s'arrêter aussi brusquement et s'abandonner à la décomposition. Un des premiers vrais morts que j'ai vus, c'était en haut de la rue Lafayette, près de Jaurès, dans le 10e à Paris. Je vois au sol une statue renversée, un homme droit, immobile en plein élan, dans la position de marcher, les mains dans les poches de son grand par-dessus, lunettes, moustache grise, chapeau noir. Il est strictement dans la même position que s'il était debout, dans le geste de la marche, mais il gît sur le sol, tout le corps figé, immobilisé, paralysé par je ne sais quelle chimie. Rictus frisé aux lèvres, l'œil fixe et vague, dans un mouvement pétrifié. Il est mort. Les gens affairés marchent autour. Je vais voir de plus près son œil vide, vitreux, me regarde, regarde derrière moi, ne regarde rien. Son regard est entouré par le monde au fond duquel il est retombé, au fond duquel il sombre, chute, se noie, comme une vague lancée en l'air, redescend au fin fond des eaux, au milieu d'une rue bondée, où chacun vaque à ses occupations. Des années après, je fais des tours de périph' à Paris pour pouvoir chanter, hurler. J'habite au dernier étage d'un immeuble entouré de chantiers. Une grue pivote au-dessus de ma tête, telle une épée de Damoclès. Une aiguille sur le cadran de mes pensées. Le vieil immeuble en bois est sonore et grince et résonne de partout. Je veux chanter, mais je ne peux pas. Une ville où l'on ne peut pas chanter à gorge déployée est une prison. Toutes les nuits, je monte, Je dois monter dans ma vieille épave noire, la démarrer et partir sur le périphérique pour pouvoir hurler, chanter, vive le périphérique. Je connais très intimement tes courbes qui épousent mes cris. Un ami un jour m'a parlé d'un batteur qui avait le même problème que moi. Pour jouer, il allait dans les tunnels du périph et se réfugiait dans un abri anti-incendie où il tapait à fond toute la journée. Là au moins, personne ne l'entendait. Là au moins, il ne dérangeait personne. Là au moins, il était tranquille. Nous sommes, savez-vous, que nous sommes simplement un support comme un autre permettant à l'ADN de se reproduire, dupliquer, multiplier. C'est Jérémy Narby qui le dit. Savez-vous que nous sommes des grands corps malades parasités et excités par l'ADN ? Les porteurs de l'ADN, les esclaves de l'ADN, il faut s'extraire l'ADN, le dompter, le fouetter, le maîtriser, mais c'est un asticot rusé. Alors seule solution, se robotiser, se désorganiser, même s'il n'est pas à exclure que la surrobotisation nous mènera également à la structure de l'ADN comme clé suprême. L'ADN est notre ami, nos corps bruissent de micro-serpents intégrés à l'intérieur de nous. Je rayonne de microbes. Mets une capote sur ton cerveau, des théories de taureau s'avancent à travers la Camargue du crâne. Toréador de théorie, taréador de taurori, redéconfigurer un cerveau, est-ce un objectif ? Programme électoral secret. 1. Pour une démocratisation de l'argent. 2. La propreté, c'est le vol. Tant qu'il y a de l'hygiène, il n'y a pas de plaisir. 3. Goto 627, secoue paupières pour faire jus de lumière. Goto Hell, Goto Pogo, Goto Yugo, Goto Togo. Théorie d'or des corridors, corrida pensée. Le soleil est dans les hôpitaux. La lame de couteau, le soleil des hôpitaux est dans la peau. Pogota Christi, au rapport encore. Ta gueule ! Suis devant la page blanche de mon nouveau roman noir. Fichtre, suis vert, riz jaune, que cette rouge méfie les bleus. Pogota, tes yeux d'août creusent, tes yeux butane pur m'incendient. Quand on goûte aux délices de la destruction pure, le reste paraît bien fade. Je suis une vague qui s'écrase sur les murs. Quand je te vois, j'ai envie de jouir, Pogota, au rapport. Vos déserts sont des hordes. Deux bites et une couille, ça change. À noter que nous n'avons choisi de venir sur Terre, mais pourtant on nous le fait payer au prix fort. Étrange logique, non? Les vivants sont un public captif. Seuls les morts sont libres en ce monde. Oui. En tout cas, faut vraiment être aveugle pour trouver du glamour à Paris. Les murs ont des couilles en or, les sourds ont des oreilles. Je déteste la télévision, je déteste le travail. N'aurai de cesse d'attaquer et détruire ces deux plaies de la société. Pogota, s'il te plaît, tue-moi, ça me fera de la pub. Étalé sur mon sandwich, des fines tranches de champignons nucléaires dans la tête sorties à l'imprimante. J'adore les rillettes silhouettes. Champignuc, champignuc. Pogota, j'aime pas mourir et me suis tant endetté auprès de toi, endetté de clopes. Désormais, tu peux me taxer à pleine vie, et même après ma mort, tu pourras venir chercher des paquets de clopes sur ma tombe. J'ai acheté des cartouches qui sont enterrées tout autour d'elle. Quand tu veux, tu pourras venir fumer sur ma tombe et me taxer quelques clopes. Même après ma mort, tu pourras me taxer des clopes. Champignuc, champignuc, mais s'il te plaît, Pogota, avant ça, sors avec moi. Sois 6 mois la commissaire de mes lèvres. Sois 6 mois siamoise avec moi. Bulbe atomique, tu es la dernière personne à qui j'ai pu dire je t'aime de tout mon cœur et sans arrière-pensée. Pogota, arrache pour moi quelques mots à l'aliénation, la fatigue et l'adversité. te dis bienvenue au paradis des robots. Je suis un robot, tu cours sur ma peau, tu es un robot, persécuté dans le cerveau. Je suis un robot, bébé coule sous ma peau. Tu es un robot, des circuits dans le cerveau. Yeah. Cette émission vous a été présentée par Oslo Deville. Vous pourrez retrouver sur le site de Radio Soleil et le blog Zoorama Plus la playlist des morceaux joués et des références des textes lus. Qui ont une étoile dans la gorge. Je vous dis à bientôt.